sont partis, j'ai beaucoup grandi. Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi. J'ai perdu la notion du temps, à tout remettre à plus tard. Aujourd'hui nous sommes demain, demain j'irai le faire, demain j'irai là-bas. Demain, moi je vais péter les plombs. Je veux être madame tout le monde, travailler comme tout le monde. Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi. Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi. Je me suis posé trop de questions, j'apprends chaque jour de mes erreurs. Puis j'ai compris la leçon, j'aimerais devenir meilleur. Le réjour de mon bonheur vous faire honneur. Devenir quelqu'un fait un peu peur, je ne peux plus échouer. J'ai assez joué. Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi. Debout sans savoir où aller, debout sans savoir qui je suis, j'ai 20 ans. Maman, mes amis sont partis, j'ai beaucoup grandi.